de girafe. Et je fais waf, waf, waf, waf, waf, waf. Je suis une girafe. Je suis une girafe. Et je fais waf, waf, waf, waf, waf, waf. Je suis un kangourou, je suis un kangourou, et je fais miaou. Je suis un éléphant, je suis un éléphant, et je fais hi-oh. Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Et je fais hi-oh. Je suis une marmotte et je fais cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote. Je suis une marmotte et je fais cote, cote, cote, cote, cote. Je suis un asticot. Je fais cocorico. Je suis un asticot. Je fais cocorico. Je suis un asticot. Je fais cocorico. Je suis un asticot. Je suis un asticot. Je fais cocorico. Cocorico. Je suis un asticot. Je suis un asticot. Je fais cocorico. Je suis un marsouin et je fais quoi quoi.